lève au ciel. Ma dernière nuit seule sur la terre, seule sans ton aile. Une nouvelle fois je pleure ta perte, mon dernier instant de tristesse, dernière nuit de faiblesse. J'ai gardé bien longtemps mes pleurs, j'ai vu faner bien plus d'une fleur, briser bien des cœurs. Aujourd'hui j'en ai plein la tête, vivre sans toi c'est comme une guerre que personne n'arrête. Demain je serai si loin.